Chapitre 3e, l'espionne. La gouvernante, un instant atterrée, s'était ressaisie presque aussitôt, et ce fut d'un éclat de rire strident qu'elle accueillit le cri de stupeur du capitaine Mangles. « Oui, monsieur, moi, et après ?»« Vous, miss, vous ? Que voyez-vous de si étrange à ce que je vienne prendre l'air dans ce grenier ?»« Vous osez railler, c'est la vérité. Il fait vraiment meilleur ici que dans ma chambre. Vous savez bien que j'ai interdit l'entrée de la tour à qui que ce soit. » « Pas à moi, toutefois. Aujourd'hui, j'avais la migraine. Je vous l'ai dit au dîner quand vous m'avez demandé pourquoi je ne mangeais point. Maintenant, s'il vous plaît, sœur Mangles, laissez-moi passer. Vous m'avez fait bien peur. » « Ainsi, Miss Gretchen, » articula sans lâcher prise l'officier que ses paroles étaient loin de convaincre, « ainsi c'est vous qui faites des signaux aux Allemands. Moi, monsieur, vous vous méprenez étrangement. Inutile de nier. Où sont les verres? Où est le code ? » reprit-il d'une voix dure. « Je ne sais vraiment pas ce que vous voulez dire. » Il ramassa vivement son revolver, mais pas assez vite cependant, pour que dans ce très court instant où il rendit la liberté à l'espionne, celle-ci ne bondît au fond de la pièce hors de sa portée. « Cela ne fait rien, » dit-il avec mépris. « Vous ne pouvez pas vous sauver par la lucarne. Et si vous essayez de franchir cette porte, je vous tue comme un chien. Et d'abord, rallumez la lampe que vous avez éteinte lorsque je suis entré. Ensuite, fermez la fenêtre. » Sa voix avait un calme terrifiant. Pas de colère, pas d'éclat, une volonté ferme qui s'imposait. Gretchen, soit par peur, soit par ruse, obéit sans un mot. « Bien, » fit-il lorsque la gouvernante eut allumé une bougie qui se trouvait sur la table. « Maintenant, où sont les verres? Où est le code ? » Une flamme jaillit. « Cherchez !» ricanait l'espionne. Et en disant cela, elle jetait dans la cheminée des papiers qu'elle venait d'allumer à la flamme de la bougie. « Misérable ! » clama Mr. Mangles. « Voici la preuve de votre crime. Ainsi j'abritais sous mon toit un agent d'espionnage à la solde du cabinet de Berlin. Moi, officier de la marine anglaise, j'ai donné comme gouvernante à mes enfants une femme dont les principes de morale sont contraires à ceux que nous professons, nous autres. J'ai institué dame de compagnie de Mrs. Mangles, une fille chargée de l'espionner. Vous n'êtes sans doute pas plus suédoise que je ne suis prussien. Allons, bas les masques. « Quelle est votre nationalité ?»« Je suis allemande, et je m'en fais gloire. »« Au point de ne pas oser l'avouer au grand jour, et de vous cacher sous un nom étranger. »« Singulière façon d'être fier de votre pays. » Elle eut un ricanement satanique, et sans paraître le moins du monde ému, riposta en haussant les épaules. « Pour le bien de notre nation, pour sa grandeur, nous acceptons les postes les plus humbles, les travaux les plus fatigants. L'Allemagne au-dessus de tout. » « Deutschland über alles. C'est notre chant de guerre et notre cri d'espérance. Tous les moyens sont bons pour arriver au but qui nous est assigné. Nous servons notre patrie, vous servez la vôtre. Qu'avez-vous à dire à cela ?»« Je dis que des adversaires loyaux doivent se mesurer face à face et non pas combattre dans l'ombre. Je dis que c'est un métier répugnant. Dépiez les gens qui vous hébergent et placent en vous leur confiance. C'est un vol pire que celui du bandit qui s'attaque à la bourse du passant. » « Vous n'êtes pas digne du nom de femme, vous êtes un monstre. Un monstre soit. Quant à la preuve de ce que vous appelez mon crime, elle n'existe pas, monsieur, elle n'existe plus, veux-je dire. Ces papiers étaient la seule chose qui put me nuire devant vos juges, je les ai détruits. Faites-moi arrêter, si vous voulez, que m'importe, je n'ai rien à perdre, moi. Ma famille, ma réputation, ma gloire, c'est l'Allemagne, tandis que vous, moi, oui, vous avez tout à perdre en me dénonçant. » « Que voulez-vous insinuer ? » demanda rudement le marin. « Tandis que vous, » reprit-elle en articulant lentement et en mettant une cruauté savante à prolonger la phrase pleine de sous-entendus, « vous risquez d'un seul coup votre honneur d'officier, votre gloire de marin et même votre bonheur d'époux et de père. Vous dites, je dis que je me défendrai devant vos juges, que je serai bien forcé d'accepter, puisque vous êtes les maîtres pour l'instant, mais toutes les armes sont bonnes quand il s'agit de défendre sa vie. » Et c'est plus que ma vie que je défends, c'est mon pays. Je ferai retomber la faute, si faute il y a, sur vos propres épaules. » Et elle eut un nouveau ricanement sinistre. « Je ne comprends pas, » murmura l'officier. « Je n'ai rien de commun avec vous, Dieu merci. » « Alors pourquoi, si vous n'avez rien à vous reprocher vis-à-vis de moi, êtes-vous seul ici ? Pourquoi Mrs. Mangles n'a-t-elle pas été prévenue de votre retour précipité ? Tout dort dans la maison, je n'entends aucun bruit. C'est donc qu'on ignore que quelqu'un s'est introduit de nuit dans la demeure. Vous voyez, que je suis très forte sur le chapitre des déductions. Mrs. Manglas ne vous croira pas. Elle n'en aura pas moins des doutes. Cela n'expliquera pas votre présence dans ce grenier, à côté de ma salle de travail où personne ne vient jamais. Mrs. Manglas elle-même n'y monte pas, elle craindrait de me déranger dans mes travaux. Moi seul y suis admise, moi seul est une double clé. Que vous avez dû faire, naturellement. J'ai pris l'empreinte de la serrure à la cire. Mais ceci n'a pas besoin d'être dit au juge, et je ne le leur dirai pas. Je me contenterai de leur avouer, après bien des hésitations et des réticences, que c'est vous qui m'avez remis cette clé. Je ne comprends pas. L'audace avec laquelle Gretchen expliquait le plan qu'elle avait imaginé pour sa défense paraissait monstrueuse à l'officier, qui, doué d'un caractère foncièrement honnête et franc, était incapable de soupçonner qu'on pût déployer tant de sciences perverses pour le vice. Tout ce cynisme, étalé par la misérable, dépassait les bornes de son imagination. Il n'arrivait pas à saisir le but de la machination ourdie contre lui, contre les siens. Il eut compris une révolte, une explosion de rage, une agression, à coups de pied, à coups de poing. Il eut compris le tigre se débattant contre le chasseur. Il n'avait devant lui qu'une vipère. Il eût été le maître dans une lutte corps à corps. Il se sentait terrifié, malgré lui, devant cette misérable qui n'hésitait pas à employer pour sa défense des arguments plus terribles qu'une arme empoisonnée. « Vous ne comprenez pas, » continua-t-elle, « c'est pourtant bien simple. Vous m'avez remis une clé du belvédère pour que je puisse librement aller vous retrouver. L'interdiction que vous avez faite à tous de pénétrer dans la tour n'était en somme qu'un moyen de cacher la vérité à votre entourage. Sous prétexte que vous aviez besoin de la solitude pour vos travaux, en réalité, vous ne vouliez pas que l'on vînt nous déranger au cours de nos conversations sur la marine anglaise. « Assez !» s'écria-t-il. « Assez ! Je ne sais ce qui me retient de vous brûler la cervelle. Si je meurs de votre main, ma mort sera vengée, et votre honneur ne sortira pas sauf pour cela. Ordre est donné aux agents d'espionnage, si pareil accident m'arrive, de vous dénoncer comme mon complice. Vous avez intérêt à faire disparaître une complice, qui en même temps, circonstance aggravante, est une domestique à vos gages. Il vous faudra établir que les renseignements que je donnais n'émanaient pas de vous. En tout cas, vous ne pourrez nier qu'ils sortaient de votre maison. C'est ici le centre de l'espionnage de la côte, chez un officier de la marine anglaise. Comment se fait-il que cet officier ne s'en soit pas aperçu, lui qui, justement, est chargé d'observer la côte? Parce qu'il est de connivence avec les ennemis, parce qu'il a chez lui une gouvernante allemande pour ses enfants et que cette gouvernante est sa complice. Les juges et votre épouse apprécieront. « Et je leur dirai que vous êtes coupable, » dit une voix claire.